Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Thomas Dano. C'est moi, Thomas Dano. Et oui, j'ai pas encore trouvé vraiment de nom pour le podcast. Pour l'instant, ça va rester le podcast de Thomas Dano. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet de ce podcast. Ça va être un peu spécial, ça va être les différences de persona. J'essaie de m'expliquer un peu mieux parce que dernièrement, j'étais à New York, pour ceux qui ne savent pas, pour la 140 Character Conference, qui était des conférences sur Twitter. Eh bien, j'ai même pas le goût de parler de Twitter, mais plus des différences entre les Américains et les Canadiens. Et toute l'importance de, lorsqu'on parle à un public, c'est important de se mettre dans leur peau, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est beaucoup la différence entre les mœurs, les pensées, les façons d'agir, les façons de tweeter, toutes les différentes façons d'agir, on s'entend, entre les Américains et les Québécois. Mon exemple le plus frappant, que j'aime bien dire à tout le monde, c'est à un moment donné, il y avait une genre de news anchor qui parlait devant tout le monde. Elle disait des phrases comme vous savez, tu sais, il n'y a rien qui est impossible, tout est probable. Dans la vie, si tu veux vraiment, tu vas y arriver. Puis le monde était vraiment ébahi par ça, comme si c'était. Ça leur changeait leur vie, puis c'était comme wow. Puis la fille à côté de moi tweetait ah, je suis trop émerveillé pour prendre des notes, puis son speech est trop beau, je peux avoir de prendre des notes. Tu sais, puis moi, je me disais si quelqu'un à Infopresse osait dire ça, je pense qu'il se ferait juste ridiculiser, genre, t'sais. De quoi tu parles, pour qui tu te prends. On va dire que ça vient de pensées plus profondes, puis qu'on est différent. Mais le point que je veux apporter avec ça, c'est maintenant, on dirait que faudrait que je pense, rien que je parle des Américains, d'y aborder d'un autre ton. Ou même si je parle des Torontois, pardon, tu sais, faut t'y aller de différentes manières. Tu parles du monde de l'Ouest, c'est différent. Tu parles du monde du Nouveau-Brunswick, c'est différent. Tu parles en français, on va dire peut-être avec un accent. Non, c'est une blague, je peux pas vraiment écrire avec un accent. Quoique, peut-être, mais c'est un autre sujet. Donc, ce que je veux parler, c'est plus l'importance de cibler ces personas afin de mieux comprendre sa clientèle. En permettant de se mettre, comme je dis tout le temps, à la place de la personne à qui on veut communiquer, ce que ça nous permet, c'est pouvoir mieux répondre à ses besoins. Donc, imaginez-vous que vous parlez à des Américains. Si vous prévoyez des textes en anglais pour les Français, pour les Canadiens anglais et les Américains, malgré le fait qu'ils parlent la même langue, peut-être que vous devriez penser à apporter une différente approche à chacun des deux. Par la défense pays, vous pouvez cibler par pays si vous voulez. Imaginez la personne qui sait par pays pour dire un message différent à ses fans en français et en anglais. Imaginez comment ça peut être brillant et où les possibilités commencent à être très avancées. Qu'on s'entend que tout ce que je propose là, ça reste quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire. Puis que si tu commences à cibler par pays, imaginez-vous en Europe si. C'est décide d'y aller par pays. Par contre, imaginez-vous si vous le faites vraiment, que vous avez des résultats positifs à ça, parce que tout le monde se sent plus concerné à eux, puis ils peuvent même penser que la page, elle parle juste pour eux, t'sais. Si jamais, mettons, je suis cible par pays du Luxembourg, puis que je dis bonne fête, bonne journée les Luxembourgeois, peu importe comment ils s'appellent, le monde du Luxembourg, qui sont ciblés comme Luxembourg dans Facebook, peut-être qu'ils vont penser que la page parle juste à eux, mais en faisant une update globale, alors que c'était juste au monde du Luxembourg. Imaginez comment ça peut augmenter l'interaction. Après ça, maintenant, si on parle exemple de reach out de blogueurs, faire des messages différents pour chacune des villes, chacun des pays, etc. C'est toute une question de plus tu personnalises, plus ça coûte cher peut-être, mais plus tes chances de succès sont beaucoup plus élevées. Donc maintenant, c'est sûr, faut tout le temps comparer le coût versus les profits que tu peux en générer, mais bon. Dans les médias sociaux, tout est possible. Donc, je vais tout de suite m'arrêter là dans mon discours parce que, bien que je pourrais parler longtemps ou peut-être pas, parce que j'ai pas tant que ça de choses à dire sur le sujet, ce que je veux parler, c'est l'importance de la personnalisation et ne pas surestimer les différences, qu'exemple, quelqu'un à Montréal ou quelqu'un à Québec pourrait. La différence entre les personnes, même si c'est des environnements que vous pensez c'est pareil. Qu'on parle de Montréal-Québec, Montréal-New York, Vancouver-New York, tu sais. Chaque ville a son environnement, donc chaque ville a sa différente façon d'approche. C'était tout. Donc, bonne semaine, bon mois, et à la prochaine.